415 € d'amende et des dommages et intérêts. Et pas une fois je me demande si j'ai tort de ne pas regretter. Thibaut, si on ne peut plus chanter les chansons qu'on veut dans sa chambre, que fais-tu de la liberté? Toi, tu l'as faite voler en cendres. Je suis celui qui n'a plus rien à perdre. Et toi, tu es l'enfoiré, le métalleux procédurier. Et moi, si c'était à refaire, cette chanson, je la referais. Et tiens, d'ailleurs, je la refais. C'est ça, la liberté de créer. C'est la première fois qu'on me réclame autant d'argent pour quelques rimes. Je m'en fous, j'ai déjà perdu ma femme, mon taf, mon appart et ma team. Je peux bien te donner toute ma thune pour t'avoir chanté calmement. Tant pis, je dormirai sous la lune avec ma gratte et mes calmants. Je n'avais plus que ça à perdre, alors prends-moi tous mes deniers, ça me rend plus libre pour composer. Et moi, si c'était à refaire, cette chanson, je la referais. Et tiens, d'ailleurs, je la refais. C'est ça, la liberté de créer. Et cette justice qui est avec toi et à qui je pisse à l'arrêt. Ce que tu penses est à de droit, ce ne donne que le droit de nous emmerder. Ils peuvent du coup te remercier, 400 boules pour avoir chanté. Que tu n'es qu'un vieux coulis de merde, ça me donne raison et j'ai la gerbe. Mais n'essaie pas de comprendre ce que je dis, reste bien chez toi et fume ton herbe. Je t'expliquerai pas que le génie a ce don d'être un peu acerbe. Faire des procès, c'est le paradis. Moi, je fais que des chansons et je t'emmerde. Ouh. Moi, si c'était à refaire, cette chanson, je la referais. Et tiens, d'ailleurs, je l'ai refait. Je reste celui qui n'a rien à perdre, tu resteras celui qui veut ruiner un semblant d'artiste engagé pour oublier que t'es licencié.